Pedro Páramo. De Juan Rulfo. Adaptation Laure Egorov. D'après la traduction de Gabriel Yacouli. Tout a commencé avec Miguel Páramo. Moi seul ai su ce qui s'est passé la nuit de sa mort. Souviens-toi de ce que l'on t'a dit. Que ce cheval te tuerait un jour ou l'autre. Souviens-toi, Miguel Páramo. Pour nous, malgré notre fardeau, il y a l'espérance. Mais pas pour toi, Miguel Páramo, qui est mort sans absolution et qu'aucune grâce ne pourra toucher. Je sais que vous détestiez mon père, et je comprends. Tout le monde peut comprendre vos raisons. Et oubliez tout ça, mon père. Pardonnez-lui, comme Dieu lui a peut-être pardonné. Pour moi, condamne-le, Seigneur. Sixième épisode. D'où viens-tu à cette heure, mon gars? L'entrée rude. Laquelle? Tu ne devines pas? Ah, ça doit être Dorothea, la malfichue. C'est la seule qui aime les bébés. C'est un imbécile, Fulgore. Mais c'est pas ta faute. D'où viens-tu, Miguel? De quelque part. Une visite de mère de famille. Ne te fâche pas. Cache-toi. Comment tu les veux, tes œufs? Oh, comme tu voudras, je m'en fiche. Mais dis donc, je te parle gentiment, moi, Miguel. Mais je sais, Damien, mais j'en fais pas. Dis-moi, tu connais une certaine Dorothée qu'on appelle la malfichue? Oui. Si tu veux la voir, elle est sûrement là dehors. Elle se lève toujours très tôt pour venir chercher ici son petit déjeuner. Elle porte un baluchon dans son châle et elle le berce en disant que c'est son bébé. Oh, il a dû lui arriver je ne sais quel malheur dans sa vie, mais comme elle n'en dit jamais mot, personne n'en sait rien. Quel enfoiré, ce Fulgore. Je lui réserve une crasse qui lui fera sortir les yeux des orbites. Puis il s'est mis à réfléchir pour voir si cette femme ne pourrait pas lui être utile en quelque chose. Ensuite, sans hésiter, il est allé à la porte de derrière et a appelé Dorothea. Viens un peu par ici. J'ai un marché à te proposer. Quelle que fût cette proposition, quand il est rentré dans la cuisine, il se frottait les mains. Eh ben alors, ils viennent ces œufs ? À partir d'aujourd'hui, Damien, tu serviras à cette femme la même chose qu'à moi. Et sans lui rogner les morceaux. Ce gamin, il est comme son père, mais il commence trop tôt. À ce train-là, je ne crois pas qu'il fasse long feu. J'ai oublié de le prévenir qu'on est venu le chercher hier parce qu'il est accusé d'avoir tué quelqu'un. S'il continue comme ça, il ne l'a même pas décelé. Et il ne le fera pas. Don Pedro est au moins plus conséquent avec les autres, et il a ses moments de tranquillité. Tout de même, il est trop tolérant avec Miguel. Hier, quand je lui ai rapporté ce qu'avait fait son fils, il m'a répondu... Dis-toi que c'est moi qui l'ai fait, Fulgore. Il en est incapable. Il n'a pas encore assez de force pour tuer qui que ce soit. Pour ça, il faut avoir les reins solides. Tu n'as qu'à mettre sur mon dos toutes les fautes qu'il commet. Miguel va vous donner beaucoup de fil à retordre, Don Pedro. Il aime la bagarre. Laisse-le faire. C'est encore un enfant. Quel âge peut-il avoir? 17 ans, non, Fulgore? Ça se peut. Je me rappelle quand on l'a amené, il n'y a pas si longtemps. Hein, c'était hier. Mais il est si violent. Il vit à une allure telle qu'on dirait qu'il joue à la course avec le temps. Il finira par perdre, vous verrez. C'est encore un bébé, Fulgore. Vous avez peut-être raison, Don Pedro. Mais cette femme qui est venue pleurer ici hier en déclarant que votre fils avait tué son mari était tout ce qui est de plus inconsolable. Je sais peser le chagrin, Don Pedro. Et cette femme en avait des kilos sur les épaules. Je lui ai offert 50 hectolitres de maïs pour qu'elle oublie l'affaire, mais elle n'en a pas voulu. Je lui ai promis que nous allions réparer le préjudice d'une façon ou d'une autre. Elle n'a pas accepté. De qui s'agit-il ? De gens que je ne connais pas. Dans ce cas, inutile de te casser la tête, Fulgore. Il n'existe pas. Le temps doit avoir changé dehors. Ma mère me disait qu'à l'arrivée des pluies, tout se remplissait de scintillements et de l'odeur verte des jeunes pousses. Elle me racontait comment montait la marée des nuages, comment ils se précipitaient sur la terre, et la transformait en lui donnant d'autres couleurs. Ma mère. Elle qui a vécu son enfance et ses plus belles années dans ce village n'a pas pu y mourir. Elle m'a envoyé ici à sa place. C'est étrange, Dorothea. Je n'ai pas réussi à voir le ciel. Peut-être lui au moins est-il le même que celui qu'elle a connu. Oh, je n'en sais rien, Juan Preciado. Je n'ai plus levé la tête depuis tant d'années que j'ai oublié le ciel. D'ailleurs, si je l'avais fait, qui aurais-je gagné? Le ciel était si haut et ma vue si basse que je m'estimais déjà heureuse de savoir où se trouvait la terre. De plus, il a perdu pour moi tout intérêt à partir du moment où le père d'Enteria m'a assuré que je ne connaîtrais jamais le paradis, que je ne le verrais même pas de loin à cause de mes péchés. Il aurait mieux fait de ne pas me le dire. La vie est déjà assez pénible comme ça. La seule chose qui vous fait mettre un pied devant l'autre, c'est l'espoir qu'en mourant, ils vous porteront quelque part ailleurs. Mais quand on vous ferme une porte et que la seule qui reste ouverte est celle de l'enfer, alors mieux vaut ne pas être né. Le ciel, pour moi, Juan Preciado, c'est là où je suis à présent. Et ton âme, où crois-tu qu'elle soit passée? Oh, elle doit errer sur la terre comme tant d'autres. Courir après les vivants afin qu'ils prient pour elle. Il se peut aussi qu'elle me déteste pour les mauvais traitements que je lui ai infligés, mais peu m'importe à présent. Je me suis guéri de ses excès de remords. Elle jetait l'amertume dans le peu que je mangeais, rendait mes nuits intolérables en les emplissant de pensées inquiètes, d'images de damnés et autres choses de ce genre. Quand je me suis assise pour mourir, elle m'a supplié de me lever et de continuer à porter le fardeau de la vie, comme si elle attendait encore le miracle qui me laverait de mes fautes. Je n'ai même pas essayé. Le chemin s'arrête ici, lui ai-je dit. Je n'ai pas la force d'aller plus loin. Et j'ai ouvert la bouche pour qu'elle s'en aille. Elle est partie. J'ai senti tomber dans mes mains le petit filet de sang qui la rattachait à mon cœur. On a appelé devant sa porte. Il n'a pas répondu. Il a entendu que l'on allait ensuite frapper à toutes les portes, que l'on réveillait tout le monde. Il a entendu des éclats de voix, des pas lents qui se traînaient comme si l'on portait quelque chose de lourd, des bruits indéfinissables. La mort de son père lui est revenue en mémoire. C'était un matin comme celui-ci, mais en ce temps-là, la porte était ouverte et laissait entrer la couleur grise d'un ciel de cendres, triste comme l'était toute chose alors. Une femme adossée contre la porte, une mère qu'il avait déjà oubliée, oublié bien des fois, contenait ses pleurs et lui annonçait « On a tué ton père. » D'une voix brisée, déchirée, qui ne tenait plus qu'au fil du sanglot. Il n'avait jamais voulu revivre ce souvenir parce qu'il en entraînait d'autres, comme s'il déchirait un sac plein de grains qu'il voulait ensuite empêcher de se répandre. La mort de son père avait entraîné d'autres morts. Et il y avait toujours, dans chacune d'entre elles, l'image du visage déchiré. Un œil crevé, l'autre au regard vengeur. D'autres morts et d'autres encore, jusqu'à ce qu'il eût effacé ce visage de sa mémoire. Quand plus personne ne s'en souvenait désormais. Posez-le là. Pas comme ça, faut lui mettre la tête en arrière. Mais vas-y, toi, qu'est-ce que tu attends? Et lui? Il dort. Le réveillez pas, ne faites pas le bruit. Qui est-ce? C'est Miguel Don Pedro. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Il s'attendait à entendre « on l'a tué ». Et il sentait déjà sa colère monter, déchaîner en lui la rancune, quand Fulgor Sedano lui a dit d'une voix douce « Personne ne lui a rien fait. Il a trouvé la mort tout seul. Le cheval l'a tué. Je commence à payer. Mais vaut que ce soit tôt et que ça se termine vite. » Demain, fais abattre cet animal pour qu'il ne souffre plus. Oui, Don Pedro. J'entends bien. Le pauvre doit se sentir désespéré. Moi aussi, je l'entends bien comme ça, Fulgor. Et en passant, dis à ces femmes de ne pas faire un tel foin. C'est beaucoup de vacarme pour un mort qui est mien. Si c'était le leur, elles ne prendraient pas un tel plaisir à pleurer. Le père Renteria devait se souvenir bien des années plus tard de la nuit où la dureté de son lit l'avait tenu éveillé, puis forcé à sortir. C'était la nuit de la mort de Miguel Páramo. Il avait parcouru les rues désertes de Comala. Durant des heures, il avait lutté contre ses pensées qu'il rejetait dans l'eau noire de la rivière. L'affaire a commencé quand Pedro Páramo, parti de bien bas, s'est élevé si haut. Il a grandi comme une mauvaise herbe. L'ennui, c'est qu'il a tout obtenu de moi. Je m'accuse, mon père, d'avoir cédé ma fille. Je m'accuse, mon père, d'avoir couché avec Pedro Páramo. Je m'accuse, mon père, d'avoir eu un enfant de Pedro Páramo. Je m'accuse, mon père, d'avoir couché avec Pedro Páramo. Je m'accuse, mon père, d'avoir cédé ma fille à Pedro Páramo. Je m'accuse, mon père. J'ai toujours attendu qu'il vienne s'accuser de quelque chose, mais il ne l'a jamais fait. Ensuite, il a porté sa méchanceté plus loin avec ce fils qu'il a eu. Dieu seul sait pourquoi il l'a reconnu. Et je sais que cet instrument, c'est moi qui le lui ai mis entre les mains. Don Pedro, la mère est morte en lui donnant le jour. Elle a dit qu'il était de vous. Le voici. Pourquoi ne le gardez-vous pas, mon père? Faites-en un curé. Avec le sang qu'il a dans les veines, je ne veux pas prendre cette responsabilité. Vous croyez tout de bon que mon sang est mauvais? Tout de bon, Don Pedro. Je vous prouverai que ce n'est pas vrai. Laissez-le ici. Il y a bien assez de gens pour s'en occuper. C'est justement ce que je me suis dit. Au moins, avec vous, il ne manquera de rien. Damiana! Charge-toi de ça. C'est mon fils. L'enfant, bien qu'il fût tout petit, se tordait comme une vipère. Je bois à la défunte et à vous. Et à lui? Et à lui aussi, pourquoi pas? Les charrettes s'étaient mises à défiler sur le chemin de la Media Luna. Il s'était baissé pour se cacher derrière le talus qui longeait la rivière. À qui te caches-tu? Bonjour, mon père! Bonjour! Que Dieu te bénisse! Où allez-vous de si bonne heure, mon père? Où est-il, l'agonisant monsieur le curé? Quelqu'un est mort à Comte-là, mon père? Il aurait aimé répondre, moi, c'est moi qui suis mort. Mais il s'était contenté de sourire. Où étiez-vous, mon oncle? Plusieurs femmes sont venues vous chercher. Elles voulaient se confesser parce que demain, c'est le premier vendredi du mois. Qu'elles reviennent ce soir. L'air est bien frisqué, tu ne trouves pas, Anna? Il fait chaud, mon oncle. Je ne le sens pas. Il ne voulait surtout pas penser à ce qui s'était produit à Cantla, où il était allé faire une confession générale au curé de la paroisse, lequel, malgré ses instances, lui avait refusé l'absolution. Cet homme dont tu ne veux pas dire le nom a foulé aux pieds ton église et tu l'as laissé faire. Que peut-on désormais attendre de toi, mon fils? Qu'as-tu fait de la force de notre Seigneur? Je veux bien croire que tu es bon, ce qui te vaut là-bas l'estime de tous. Mais être bon ne suffit pas. Le péché n'est pas bon. Pour en venir à bout, il faut être dur et sans pitié. Je veux bien croire qu'ils ont encore tous la foi, mais ce n'est pas à toi qu'ils la doivent. S'ils croient, c'est par superstition et par crainte. Je sais combien notre tâche est difficile dans ces pauvres villages où nous sommes relégués. C'est ce qui me permet de te dire qu'il ne faut pas réserver nos services à quelques-uns, car ceux-là ne donneront pas cher de ton âme. Et quand elle sera entre leurs mains, comment feras-tu pour être meilleur que ceux qui sont meilleurs que toi? Non, mon fils, mes mains ne sont pas suffisamment pures pour te donner l'absolution. Il te faudra la chercher ailleurs. Vous voulez dire, monsieur le curé, que je dois aller me confesser à d'autres que vous? C'est ton devoir. Tu ne peux continuer à communier les autres si tu es toi-même dans le péché. Et si l'on suspend mon ministère? Oh, je ne crois pas qu'on le fasse. Bien que tu le mérites, ce sera à eux de juger. Pourriez-vous, provisoirement je veux dire, il faut que j'administre les saintes huiles, le sacrement de l'Eucharistie. On meurt tellement dans mon village, monsieur le curé. Mon fils, laisse Dieu juger les morts. Alors c'est non? Et le curé de Cantla lui avait dit que c'était non. Peu après, ils avaient fait quelques pas dans les corridors du presbytère ombragé d'azalées. Ils s'étaient assis sous une treille où mûrissait le raisin. Il est acide, mon fils. Nous vivons sur une terre où tout vient bien, grâce à la Providence, mais où tout ce qui vient a de l'acidité. Tel est notre lot. Vous avez raison, monsieur le curé. Là-bas, à Comala, j'ai essayé de planter des vignes. Elles ne donnent rien. Ils ne poussent guère que des goyaviers, des orangers qui donnent des oranges et des goyaves jaunes, acides. J'ai oublié le goût des choses douces. Vous rappelez-vous les goyaves de Chine que nous avions au séminaire? Les pêches et ces mandarines dont la peau se détachait d'une simple pression. J'ai apporté ici quelques graines, peu, à peine un petit sachet. Puis je me suis dit que j'aurais mieux fait de les laisser là où les fruits mûrissent. Je ne les ai apportés ici que pour les faire mourir. On dit pourtant, mon fils, que les terres de Comala sont bonnes. Dommage qu'elles soient dans les mains d'un seul homme. C'est toujours Pedro Paramo, le maître, non? Par la volonté de Dieu. Je ne pense pas que dans ce cas la volonté de Dieu y soit pour grand-chose. Ne crois-tu pas, mon fils? J'en ai parfois douté. Mais là-bas, on le croit. Et toi aussi, mon fils? Moi, je suis un pauvre homme, prêt à courber les chines quand il le faut. Où allez-vous, mon oncle? Je sors faire un tour, Anna, pour voir si ça veut bien passer. Vous vous sentez mal? Non, pas mal. Mauvais. Un mauvais homme. Voilà comment je me sens. Il était allé à la Medialuna présenter ses condoléances à Pedro Paramo. Une fois de plus, il l'avait entendu démentir les accusations portées contre son fils. Il le laissait dire. En définitive, rien n'avait plus d'importance. Toutefois, il avait refusé son invitation à dîner. Il était revenu d'un pas égal. Et le soir tombait quand, sans s'être arrêté nulle part, il avait pénétré dans l'église tel qu'il était, couvert de poussière et de misère. Il s'était assis dans le confessionnal. La vieille Dorothea, toujours guettée l'ouverture des portes de l'église, s'était approchée la première. Il avait senti son odeur d'alcool. Mais que t'arrive-t-il? Tu bois à présent. Depuis quand? Je suis allé à la veillée funèbre de Miguelito, mon père. On m'a gavé de délices. Et on m'a tellement fait boire que je suis devenue farceuse. Tu n'as jamais été autre chose, Dorothée. Ah oui, mais cette fois, je vous apporte des péchés, mon père. Et plus qu'il n'en faut. En diverses occasions, il lui avait dit... Inutile de te confesser, Dorothée. Tu me ferais perdre mon temps. Tu ne peux plus commettre de péché, même si tu le voulais. Laisse la place aux autres. Cette fois, mon père, c'est sérieux. Parle. Maintenant que ça ne peut plus causer aucun tort, je vous dirai que c'était moi qui lui trouvais les filles à feu Miguelito Paramo. Depuis quand ? Mais depuis qu'il est devenu un homme. Depuis que ça a commencé à le démanger. Répète-moi un peu ce que tu viens de dire, Dorothea. Eh bien, que c'était moi qui abouchais les petites et le Miguelito. Tu les lui amenais ? Parfois, oui. Sinon, je leur parlais seulement pour lui. D'autres fois, je me contentais d'éclairer sa lanterne. Vous savez, lui indiquer l'heure où elles étaient seules, où il pouvait les surprendre. Et il y en a eu beaucoup ? Moi, j'ai perdu le compte, mon père, il y en a eu tellement. Que veux-tu que je fasse de toi, Dorothea ? Tu es ton seul juge. Vois si tu peux te pardonner. Moi ? Non, mon père. Mais vous, oui, vous le pouvez. C'est pour ça que je suis là. Combien de fois es-tu venue ici me demander de t'envoyer au ciel quand tu seras morte ? Tu voulais aller voir si tu n'y trouverais pas ton fils, n'est-ce pas, Dorothea ? Eh bien, tu ne pourras plus aller au ciel maintenant. Et que Dieu te pardonne. Merci, mon père. Oui, et moi aussi je te pardonne en son nom. Tu peux t'en aller. Vous ne me donnez aucune pénitence ? Tu n'en as pas besoin, Dorothea. Oh, merci, mon père. Que Dieu soit avec toi. Il avait frappé au guichet du confessionnal pour appeler une autre de ses femmes. Tandis qu'il écoutait le confiteor, sa tête s'était inclinée comme si elle ne pouvait plus tenir droite. Puis était venu le vertige, la confusion, l'impression de se diluer dans une sorte d'eau épaisse. Le tournoiement d'éclats de lumière du jour pulvérisé et le goût du sang sur la langue. Amen. Dans les siècles des siècles, amen. Dans les siècles des siècles. Tais-toi. Depuis combien de temps ne t'es-tu pas confessé ? 2 jours, mon père. Que fais-tu ici ? Détends-toi, va te reposer. Tu es très fatigué. Il s'était levé, était sorti du confessionnal et s'était dirigé tout droit vers la sacristie. Sans tourner la tête, il avait lancé aux gens qui attendaient : tous ceux qui se sentent sans péché peuvent communier demain. C'était Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Adaptation Laure Goroff, d'après la traduction de Gabriel Diaculi. 6e épisode. Avec Jacques Bonafé, le narrateur, Eric Caravaca, le père Renteria, Yvan Cori, Miguel Páramo, Christine Gagneux, Damiana Cisneros, Vincent Grasse, le curé, Anna Amélie Heinz, la fidèle, Jean-Pierre Calfon, Don Fulgor, Denis Lavant, Pedro Páramo, Liliane Rovert, Dorothea, Georges Escalier, Anna, François Briot, Philippe Mambon, Florent Houlier, les hommes de la Media Luna, et les voix de Myriam Ajar, Aline Alba, Sylvie Amato, Elsa Bouchin, Christine Braconnier, Andrea Brusque, Anne Carr, Paola Cordova, Isabelle Fruchard, Thierry Gary, Daniel Lopez, Sofia Lopez, Odile Lauria, Marie-Anne Mestre, Seguir Mohamedi, Giovanni Ortega, Cédric Rovolon, Emiliano Suarez, Manuel Ulloa. Bruitage, Sophie Bissant. Musique originale, Lyon Milo, violon, Sébastien Surel, guitare, Ardent Dumont, viol de gambe, Philippe Foulon, percussion, Florent Jodelet, flûte, François Dodin Claveau. Équipe de réalisation, Philippe Carminati, Émilie Couette, Cécile Lafont, Laure Egoroff. Pedro Páramo, de Juan Rulfo, est publié aux éditions Gallimard.